Cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam. Ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-allama al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Al-Khamis Ashar, le 15e fruit. Wa minha anna al-Iman malja'u al-Mu'minin fi kulli ma yulimu bihim. من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. Et dans cette situation, ça fait partie des fruits de l'iman. Quand tu es heureux ou triste, quand tu as peur ou tu es en sécurité, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité une obéissance ou tu as faibli, tu as désobéi. Dans toutes ces situations, le mu'min, il revient à هذا l'iman. Et sa foi, elle est très, très utile dans toutes ces situations. Et Cheikh Saadi, il a détaillé tous ces points. قال, فعند المحاب والسرور يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. Quand هذا المؤمن, il est réjoui par une chose. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité une chose. Allah lui a donné un bienfait. فالمؤمن يحمد الله. Il dit Alhamdulillah. Et il est reconnaissant. Et كذلك cette ni'ma, ce mu'min, يستعملها فيما يحب المنعم. Et Allah Azza wa Jal. Ce mu'min, il utilise ce bienfait dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Allah t'a donné la santé. Utilise cette santé. Fais des efforts pour être reconnaissant envers Allah, adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné de la science. Sois reconnaissant. Et fais des efforts pour mettre en application cette science. Wa illa, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il donne une ni'ma ou plusieurs bienfaits et il utilise ce bienfait dans al-haram, c'est pas minash shukr. Bel ça peut être une cause annahu il perd cette ni'ma et ça peut être une cause annahu il se fait du mal, il s'égare. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné ni'matu al-basar, le fait de voir, le fait d'entendre, ni'matu al-sam', il nous a donné la bonne santé, il nous a donné la foi. Les connaissances que le musulman il a par rapport à ses connaissances, c'est une ni'ma. Le fait de connaître ma'na la ilaha illallah, c'est une ni'ma azima, ya ikhwan. Ne pas croire que ni'matul ilm, c'est faqat avoir la science d'un savant, d'un imam de la sunna. La chakana, les savants, ils ont beaucoup de science, énormément de science, et c'est un bienfait. Allah les a comblés avec elle. Lakin al-mu'min, même s'il a un peu de science, ça reste une ni'ma azima. Fait cette ni'ma, tu dois la mettre en application. Donc, ici, toujours deux opposés, ou deux points liés. Maintenant, les choses qui rendent heureuses avec les choses qui rendent tristes. قال وعند المكاره والأحزان يلجأون إلى الإيمان من جهات عديدة. وهذا تقدم معنا كثيرا. Quand le mu'min il est touché par une épreuve, quand il est triste. Ce mu'min, dans ce cas-là, l'Iman, la foi, c'est très utile. قال يتسلون بإيمانهم وحلاوته صحيح وحلاوته نعم وحلاوته أي يتسلون أي ce إيمان ça te sert de c'est comme une bouée de sauvetage comme تقدم نعم أي ça va te consoler ça va t'aider à tenir ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب et tout ça on l'a vu précédemment n'oublie jamais la récompense tu es éprouvé c'est difficile. En tant que croyant, tu ne dois pas oublier que cette épreuve, c'est un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu patientes, il te récompensera. وَيُقَابِلُونَ الْأَحْزَانُ وَالْقَلَقُ بِرَاحَةِ الْقَلْبِ صحيح, أَنَّ الْإِنسَانِ ça arrive des choses qui le rendent triste. Des choses, ça cause de l'angoisse. فِي هَذَا الْحَالِ هَذَا الْإِيمَانِ ça va t'aider à te reposer. Grâce à les choses qui sont passées. C'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrété. Il l'a décrété. Qu'est-ce que ça va changer que tu sois triste, là? Et en tant qu'humain, bien sûr que rien n'en est triste pour des choses passées. Mais on ne doit pas laisser cette tristesse nous ronger. Là, l'insan, dans cette hal, son iman, l'iman bil qadr, Allah il a qadr. Si tu es en manquement, fais tawba. Si ce n'est pas ta faute, fais alhamdulillah. Allah il a qadr cette chose. Et tu avances. Si c'est pour le mustaqbal, fais ma tadri. Peut-être que ce shaitan il veut te faire du mal. Telle chose, elle va se passer, un tel il va faire, un tel il va dire, etc. Je ne veux pas pouvoir faire, je ne veux pas pouvoir payer, je ne veux pas... Matadri, Rien de ces choses, ça nous rend extrêmement tristes, alors que ça fait partie du futur. Maladri. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Si cette épreuve ou cette chose qui te rend triste, c'est à l'instant présent, filhal, dans ce cas, kadhalik, l'iman. Tu patientes et tu sais que c'est Allah qui t'éprouve et tu sais que c'est une chose décrétée. Enfin, crains Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Qala wa rujou' ila al-hayat at-tayyiba al-muqawima lil ahzan wal atrah. Et kadhalik, hadha al-hal, ce qui aide, c'est al-dhikr. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Hakadha qala jalla wa ala. La tristesse, l'angoisse, les soucis, c'est dans le cœur. Et tu sens que ton cœur est... y a un problème. Tu sens ta poitrine serrée. Fi hadha al-hal, une des causes pour apaiser ce cœur, c'est al-dhikr. Arihna biha ya Bilal, as-salat. La lecture du Coran, at-ta'a. Et la akhir, tout ça, bien sûr, ça aide. Qalou, et vous avez remarqué que tout ce qu'on vient de citer, ça fait partie de l'iman. Al-dhikr, la lecture du Coran, al-du'a. Tout ça, ça fait partie de l'iman. C'est pour ça que Al-Shir Sa'di, rahimahullah, il a cité ce point. Qala wa yalja'una ila l'iman inda l'khouf fa yatma'innuna ilay. En cas de khouf, en cas de peur. Et ça arrive, là. Al-mu'min, il peut être confronté à des choses qui provoquent le khouf, la peur dans son cœur. Fa fi hadha al-hal, kadhalik al-iman. La foi, c'est essentiel. Qala wa yaziduhum imanan wa sabatan wa quwatan wa shaja'atan. Si c'est un ennemi qui veut te faire du mal, t'es un être humain. Bien sûr que certaines choses, voir certaines choses, entendre certaines choses, ça peut pousser au khouf. Lakin, ressaisis-toi. Ressaisis-toi dans ce moment. Et ta foi, dans ce moment précis, elle va te rappeler. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète tout. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété qu'il te fera du mal, il te fera. Si Allah il a décrété qu'il ne te fera rien, il ne te fera rien. وقوة والشجاعة كذلك هذا الإيمان يبوس المؤمن avoir cette force, ce courage. أن المؤمن dans le cas qu'on a cité, s'il doit se défendre, il doit se défendre. Et هذا البشر, cet être humain qui veut te faire du mal, c'est un بشر ضعيف, un être humain comme tout le monde. Tous les êtres humains, ils sont faibles. قال ويضمحل الخوف الذي أصابهم. Dans ce cas-là, tu verras que le خوف il disparaît. Amma celui qui a des faiblesses dans l'iman, encore plus celui qui n'a pas la foi. Tu trouves al-kuffar dans certaines situations vu qu'ils n'ont pas la foi. Wallah, alors que c'est des situations, ça pousse pas. Il n'y a pas une chose qui devrait pousser à avoir autant de peur. Et tu les trouves, ils sont furu'ab shadid. Pourquoi? T'as le monde, pourquoi? Parce que al-kafir, ou hakada, ceux qui ont des faiblesses dans la foi, ce qu'ils redoutent le plus, c'est la mort. Donc la moindre situation, tu le vois, ils sont dans l'avion. Et tu vois la moindre secousse, la moindre... Tu les trouves au rub ou au khouf, je dis. Et cet exemple de l'avion, c'est un bel exemple. Même le mu'min, même celui qui a iman qawi dans ce cas, c'est une situation très délicate. Dans un avion, il y a des turbulences. Tu trouves al-kafir. Il change de couleur, il désespère, tu les trouves, pardon, il commence à pleurer, il a râlé, jusqu'à l'extrême, l'excès. Amma al-mu'min fi hadha al-hal, même s'il a peur, c'est un être humain, lakin son iman, il le pousse à garder son sang-froid. Si Allah il l'a qadr, cet avion il doit s'écraser, il s'écrasera. Et s'il s'écrase, avant de s'écraser, j'en profite, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Je me repens. Je fais des du'as, je demande. Enfin, ça, c'est une bonne fin pour le mu'min. Enfin, vous avez vu la différence. Le mu'min, il a toujours une chose à laquelle s'accrocher. هذا الإيمان يعتمد على الله وحده. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. قال, كما قال الله تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من نعمة من الله وفضل. Cet exemple qu'il a cité, c'est un exemple طيب. Quand certains ils répandaient la rumeur et ils disaient au prophète sallam et aux compagnons إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم, et les gens ils préparent Kuffar Quraysh, les tribus arabes, les juifs, foulan, ils vont faire, ils vont vous tuer, ils vont vous. قال عز وجل فزادهم إيمانا. انظروا ces rumeurs et ces menaces, etc. Ça leur rajoutait de la foi. Alors que la plupart des gens, s'ils sont menacés, directement le khouf, directement la peur, directement l'angoisse, pardon, ils n'arrivent plus à dormir, etc. Ou là, ils avaient un iman qawi. Les menaces, ça faisait que leur rajouter de l'iman. Tu peux rien faire contre un qawm mitla haoula. C'est pour ça que al-mushrikoun, al-yahoud, al-munafiqoun, al-nasara, ils ont tous essayé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des compagnons de radiyallahu anhum d'avoir le dessus, ils n'ont pas réussi. Tu peux rien faire. Qawmoun, la mort et le fait de mourir et de rester vivant, pour eux, c'est pareil. Bel, comme taqaddam ma'ana dans notre tarse de la sira de la biographie, qissat Umayr, radiyallahu anhum, ils espéraient la mort. Et ils combattaient jusqu'à mourir. C'était leur souhait de mourir en tant que shahid. Fahada, tu peux le menacer tant que tu veux. Ça ne fait que lui rajouter de l'iman. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a promis un nasr. Ihda al-husnayayn, imma le triomphe fi dunya, imma al-shahada fi l'akhira, imma le martyr dans l'au-delà. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Et ça, c'est un dhikr azim que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. À ce moment, quand il a été menacé, etc. Et que Ibrahim, alayhi salatu salam, il a dit, quand ils ont voulu le jeter fin nar, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ça te montre, akhi al-karim, anna, yada al-hal, quand tu es dans ce genre de situation, akthir min hada al-dhikr al-azim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ça veut dire quoi, Hasbi Allah, ou huna hasbun Allah. Ay Allah kafina. Allah kafina. Ay yakfini Allah azza wa jal. Ay, j'ai besoin de personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il me suffit. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il te suffit? Allah il est capable de tout. Il entend tout. Il voit tout. Il gère tout. Enfin, si tu as hadha al-mu'taqad et tu dis ce dhikr avec ta langue et avec ton cœur, enfin, celui qui manigance, celui qui veut faire du mal, celui qui accuse, celui qui... Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah il me suffit. Tu manigances. Wallah subhanahu wa ta'ala qala wa yamkurun wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Tu manigances, moi en tant qu'être humain, je ne sais pas ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu complotes. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Enfin, ceux qui manigancent, Allah subhanahu wa ta'ala, yamkur bihim. Wallahu khayrul makirin. Hada al-mu'taqad, qui est fondé sur ce verset. La shakana, si le mu'min il arrive à mettre en application hada, ilman wa yaqinan wa ikhlasan wa sidqan, tout ça dans le cœur, et tout ça, ça fait partie de l'iman, la shakana, ça va le reposer. Amma al-ba'd, tu trouves ahyanan. On vit à une époque, c'est même pas des rumeurs. C'est même pas des rumeurs. C'est des khurafats. Ils entendent un bruit et il y a des khurafats qu'ils ont entendus, des histoires inventées. Anna, telle nuit, il y a telle chose. Si tu fais telle chose, il peut avoir telle chose. Si tu laves tes vêtements tel jour, si tu laves ta maison à telle heure, si tu fais telle chose, khurafats. Shirk billah azza wa jalla. Si tu fais ces choses, at-tayra, on a vu ça dans le chapitre at-tayra dans le kitab tawhid et autres. Si tu fais cette chose, tu seras touché par telle chose. Na'oudou billah. Haoula, tu les trouves. C'est min adhaf an-nas. Ceux qui sont encore attachés à ces shirkiyat. At-tayra. La superstition. C'est ce mot que je recherchais. Ceux qui sont attachés à cette chose, tu les trouves. C'est min adhaf an-nas. Pourquoi? Parce qu'ils contredisent ce point. Amma al-mu'min. Alhamdulillah, il a l'iman, il sait que c'est Allah qui gère tout. Pardon, maintenant, ils ont une aqidah, si tel oiseau, un hibou par exemple, si il se pose sur ta maison, sur le toit de ta maison, tous les membres de la famille qui vivent dans cette maison, ils ne réussiront pas, etc. On va à la khurafa. Quel est le rapport entre ce qui va t'arriver et un hibou? Billah alaykoum. Le mu'min, quand il entend cette khurafa, ça l'attriste et ça le fait sourire en même temps. Il est triste, il sait que c'est grave, ça fait du mal à l'aqid, et ça le fait sourire. Pourquoi? Parce que c'est tellement ba'id, ça n'a aucun fondement que ça te pousse à sourire. فَهَذَا قَالَ الشيخ سعدي رحمه الله لَقَدْ يَضْمَحَلَّ الْخَوْفِ مِنْ قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الْأَخْيَارِ وَخَلَفَهُ قُوَّةُ الْإِيمَانِ وَحَلَوَاتُهُ وَقُوَّةُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَالثِّقَةُ بِوَعْدِهِ. Ça nous montre que le cœur, si tu ne le prépares pas à repousser هذا الخوف, cette peur qui n'a aucun fondement, avoir une peur excessive qui pousse à des choses, pour repousser هذا, il faut préparer ton cœur. avec at-tawakkul 'ala Allah, avec l'iman, avec al-thiqa bi wa'di. Si tu dois mourir, tu mourras. Si tu dois être touché par telle chose, tu seras touché. Fais des causes légiférées. Mais les exemples qu'on a donnés, les khurafat, en rien, c'est des causes pour te faire du mal. Tu trouves Adanès, ils se font du mal eux-mêmes à cause de leur ignorance. Peut-être qu'il ne dort pas toute la nuit, ou il ne veut pas faire telle chose, et il a un khouf, ru'b, chedid, dans son cœur. En fait, ça ne change rien. Il n'y a rien du tout. Aslan. Lakin, à force de penser, et son cœur, il est vide. Son cœur, il est vide. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ils ont atteint ce niveau. لكن il y a eu énormément d'efforts, يا إخوان. Lecture du Coran, ils ont appris la science عند النبي صلى الله عليه وسلم, ils ont fait des sacrifices. Beaucoup d'entre eux, ils ont fait al-hijra, al-muhajirun, ils ont fait le jihad avec النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ne faisaient pas passer الدنيا avant الآخرة, avant l'au-delà. Allah سبحانه وتعالى كرمهم بهذه المنزلة. Pas croire que هذا c'est sans effort, sans cause. أبداً. Chaque chose en a une cause. Enfin, pour fortifier ce cœur, et tu retrouves هذا القلب عند الشدة, quand tu es en situation délicate, tu ressens ton cœur, il est mutma'in, il est calme, etc. Il faut le préparer. قال ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء. كذلك عند الأمن, quand هؤلاء المؤمنون ils sont en sécurité, ça les pousse pas au kibr. Ça ne les pousse pas à l'orgueil. « قَالْ بَلْ يَتَوَضَعُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ » Ça les pousse à être modestes. Et ils savent que, alhamdoulilah, ils ont été préservés, etc. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui les a préservés. « قَالْ وَمِنْ فَضْلِهِ وَتَيْسِيرِهِ فَيَشْكُرُونَ الَّذِي أَنْعَمَ بِالسَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ الْأَمْنُ وَأَسْبَابِهِ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ لَهُمْ ظَفَرٌ بِالْأَعْدَاءِ وَعِزٌّ أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم. أي عند الأمن, quand le مؤمن il est في أمن, أولا يحمد الله, il est reconnaissant envers Allah سبحانه وتعالى, et il en profite pour adorer Allah سبحانه وتعالى, et كذلك الشكر, et toutes ces causes que Allah سبحانه وتعالى il leur a donné, ils sont reconnaissants. Et كذلك s'ils ont le dessus, إذا حصل لهم ظفر بالأعداء, toujours l'exemple qu'il a cité précédemment sur le jihad, si Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne le dessus sur l'ennemi, يعلمون علم اليقين, ils ont aucun doute, أن هذا c'est من فضل الله عز وجل, c'est بحول الله عز وجل وقوته, لا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن des عباد ضعفاء, on fait certaines causes et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne le secours à qui il veut. قال ويلجؤون الى الايمان عند الطاعه والتوفيق للاعمال الصالحه فيعترفون بنعمه الله عليهم بها وان نعمته عليهم فيها اعظم من نعم العافيه والرزق. كذلك عند الطاعه, quand Allah subhanahu wa ta'ala il leur facilite الطاعه, il leur facilite de l'adorer, de faire salat, de faire siyam, d'étudier la science, de mettre en application, il a agré. Ils savent que tout ça, c'est min fadlillah. Ça les pousse, kadalik, au hamd et au shukr. Na'am. Et kadalik, ils reconnaissent que hadhihi ni'ma, ni'matu ta'a, c'est encore plus important que ni'matu l'afiyah ou rizq. Ça, c'est très très important. L'essentiel, c'est pas que la bonne santé et le rizq. Tu trouves al-juhal min al-awam, tellement que il ne maîtrise pas ses points. عندهم, l'essentiel, c'est que tu sois en bonne santé. Et tu le trouves, هذا. Beaucoup de parents, ils disent à leurs enfants, quand il est en bonne santé, il travaille, il a une situation, niveau dunya, يشكرون الله, ils disent alhamdulillah. L'erreur qu'ils font, c'est que depuis très jeune, cet enfant, il est éduqué à la هذا. Tant que tu as une situation professionnelle, tu es en bonne santé, tu as réussi. هذا, c'est un axe كبير. Et éduquer ses enfants à la hada, c'est très très dangereux. Pourquoi ? L'enfant, et tu le trouves, une génération de musulmans, des jeunes, qui ne font pas de mal au niveau délinquance, etc. L'injustice envers les autres, il est akhir. Lakin, ils sont injustes envers eux-mêmes. Ils sont injustes envers eux-mêmes. En délaissant l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais vu qu'ils ont été élevés comme ça, ouais, ils travaillent. Il a une situation, il a des enfants, ils ne volent pas, etc. Enfin, pour les parents, il a réussi. Et pour lui-même, vu qu'il a été éduqué comme ça, il a réussi. Là, on doit éduquer nos enfants à la réussite, c'est ad-din. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il te gratifie, il te donne comme bienfait, rizq et la bonne santé, fait alhamdoulillah, c'est une ni'ma. Lakin, ça ne veut pas dire que si tu es en mauvaise santé, khalas, t'es forcément tu n'as pas réussi. Na'oudou billah min hada. Fa tanabbahu li hada. Cheikh Saadi rahimahullah, il l'a cité, on a indirectement. قال رحمه الله فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق. أي سي الله سبحانه وتعالى يدن à ton enfant الطاعة. Il aime le Coran. Il aime apprendre. Il aime faire salat. Il aime le professeur sallam, les compagnons radiyallahu anhum. Il veut le ressembler. Wallahi, même s'il est malade, même s'il a des manquements, même s'il trouve pas de travail, même s'il a pas une situation professionnelle comme les autres. Hey, les autres, pour certains, c'est des modèles, avoir tel salaire, etc. Ahmadillah. Wallahi, ton enfant, il est à la khira azim. Et s'il continue l'apprentissage et il a une bonne aqida, ça le poussera que d'aller à faire les asbab. Il aura une situation comme les autres. Là, il aura une chose en plus. C'est l'ilm ou l'amal bih. C'est pour ça que éduquer nos enfants à ne pas tout concentrer sur la bonne santé. Qala, rahimahullah. ويلجأون إلى الإيمان أو جي بيردو لو نعم قال وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها نعم إذا مضى الله سبحانه وتعالى كل غاجوت من فضله كذلك كل فاسيليت قال أن يتم عليهم نعمته بقبولها والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها ما انتقصوه منها قال ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة Donc ça c'est en opposition au point suivant. Aïe, leur situation quand ils font une ta'a, une obéissance, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur ajoute, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les raffermit, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur facilite la mise en application du ilm, etc. Fil muqabil, quand le mu'min fait un péché, c'est le contraire du point qu'on vient de voir. قال ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. Et ça c'est un point كذلك très très important. لماذا؟ لأن certains les péchés leur font beaucoup plus de mal que d'autres. Vu que le mu'min il est pas infaillible. Celui qui a une foi baisse, bien sûr, et kadhalik, celui qui a une foi très très élevée, il n'est pas infaillible. Il peut faire un péché et il fera certains péchés. Lakin, la différence, c'est que hadha al-mu'min, s'il fait un péché, ce péché, ça va lui ouvrir une porte de khayr. Il va faire le péché, awwalan, il va reconnaître que c'est un péché. S'il est conseillé, il va accepter. Donc, une porte de khayr, il va s'ouvrir. Et il va faire at-tawbah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, yuhib at-tawabi. Allah, il aime ceux qui se repentent. Donc, en dehors, ce péché, malgré que c'est une faute, un manquement, s'il est sincère et il regrette, ce péché va lui ouvrir une porte de bien. قال وعمل وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات ça efface les mauvais péchés. Donc, لعله ça va le pousser, les regrets, etc., à faire beaucoup plus d'efforts pour faire des bonnes actions. Et ces bonnes actions, ça va être la cause pour effacer les mauvaises. قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا ça montre أن المتقي المؤمن même s'il fait beaucoup d'efforts il n'est pas à l'abri إذا مسهم طائف من الشيطان s'il est touché il a glissé il a suivi ses passions au شيطان dans ce point ce مؤمن أو هؤلاء المؤمنون تذكروا ça c'est un point essentiel ça c'est Tawfiq min Allah. Il se rappelle. Il se rappelle en Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basirun. Allah il les voit, il les entend. Allah il l'a créé, Allah il lui a donné, Allah il lui a facilité. Thumma huwa il désobéit, il se rappelle. Fa idha hum mubsirun. Thumma alhamdulillah. Les choses, elles s'éclairent devant lui. Ça le pousse à se repentir, à regretter, etc. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam wa mathalu al-mu'min kal-faras al-marbut fi akhiyatih. يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته كذلك المؤمن. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a donné cet exemple. Le faras, quand tu le détaches, Même s'il se promène à droite, à gauche, il a fait, il revient au premier endroit où tu l'as attaché. Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala hakadal mu'min. Le croyant, c'est la même chose. Yajoul ma yajouz fil ghafla. Naam. J'ai dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. La Cheikh Sa'di qala kadalik al mu'min. Qala Cheikh Sa'di yajoul ma yajoul fil ghafla. Wa at-tajarru ala ba'di al-atham thumma ya'oud sari'an ila al-iman. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle mathal al-mu'min kal faras. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ressemblé le mu'min à un cheval dans ce point. Et هذا المؤمن même si ahyanan il est insouciant, ahyanan sa foi le baisse, ahyanan il commet un péché, etc. Lakin ya'oud sari'an ila al-iman. Il revient. Pourquoi? Parce qu'il a هذا l'iman qui le pousse à revenir. Alladhi bana 'alayhi umurahu kullaha. Avec cette précision, si ta vie elle est basée sur l'iman, ton objectif c'est d'apprendre ton dîn, de le mettre en application, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu as un manquement, une faiblesse un jour, vu que ta vie elle est basée sur ça, tu reviendras au asl, tu reviendras à la base. Lakin, et c'est là la gravité, ceux qui basent leur vie que sur ad-dunya, badoun, toute leur vie elle est basée sur ad-dunya. Le matin ils se lèvent, la salat ou la shay, directement le travail. Thumma, ils travaillent toute la journée, thumma, le soir, un moment avec sa famille, un peu de sport, thumma, il regarde la télé, il dort toute la semaine. Le week-end, il doit se reposer, il voyage, il a akhiré. Toute leur vie, c'est fait de dunya. Sport, famille, manger, travailler. Bardoum, ils se sont écartés de l'adoration d'Allah, Azza wa Jal. En général, pourquoi? Pourquoi en général, كثير من هؤلاء, ça veut pas dire que هؤلاء ne peuvent pas faire tawba. Abadan, Allah il guide qui il veut. Lakin beaucoup de هؤلاء, pourquoi ils continuent les péchés et ne se repentent pas? Bel pardon, ça devient normal. Bel pardon, ils atteignent un stade encore plus grand. Ils appellent à faire ces péchés. Pour eux, il n'y a aucun mal. Pourquoi? Parce que leur base, leur vie elle est fondée sur هذا. قال فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده وذلك من فضل الله عليهم ومنه. فهذا خلاصة tous ces points qu'on vient de voir. المؤمن في جميع تقلباته وتصرفاته. Son point de sa base c'est l'Iman. قال ومفزعهم إلى تحقيقه. Et كذلك, ils font des efforts pour repousser ce qui contredit هذا l'Iman. C'est pour ça que ce mu'min, il est fait khayr dans tous les cas. عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ كَمَا تَقَدَّمْ حَدِيثُ سُهَيْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قال السادس عشر, le 16e point, وَمِنْهَا أَنَّ الْإِيمَانَ الصَّحِيحِ مِنْهَا أَيْ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ parmi les fruits de la foi. أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة. كذلك الإيمان الصحيح القوي. أما الإيمان الضعيف فلا شك أن beaucoup de croyants ils ont une foi faible et ça les empêche pas de faire des péchés. لكن الإيمان الصحيح القوي, celui qui a une foi élevée, ça va l'empêcher de faire certains péchés qui peuvent le conduire à sa perte. Même s'il est pas à l'abri. لكن هذا الإيمان en général ça va être une cause pour le préserver. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم هنا il a cité ces péchés graves, الزنا, le fait de commettre l'adultère ou la fornication, والسرقة, le fait de voler, et le fait de شرب الخمر, le fait de boire de l'alcool. C'est des grands péchés. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وكذلك لا يسرق السارق وكذلك لا يشرب الخمر شارب الخمر وهو مؤمن en tant que مؤمن. Ne pas comprendre ce hadith comme ils l'ont compris أهل الضلال. لا, نفي الإيمان هنا c'est نفي كمال الإيمان. Et celui qui a un إيمان قوي, son إيمان il va le pousser à ne pas faire الزنا. C'est pour ça que tu trouves عند الناس ils ont un إيمان قوي et son iman, abadan, il accepte de boire de l'alcool ou de voler ou de faire zina. Pourquoi? Parce qu'il a un iman qawi. Tu trouves certains croyants, ils ont un iman faible, une foi très très faible, et peut-être que il peut faire zina s'il a l'occasion. Ayyadan billah. قال فأخبر أن الإيمان الحديث قال الحديث نعم في الصحيحين عن أبي هريرة comme c'est cité dans la note de bas de page. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش. أي quand tu es confronté à ces péchés. مثلا un homme il rencontre une femme. Ayyadun billah. Fa fi hadha al-hal qala fa in nuf qala na'am sahibu 'inda wujud asbab hadhihi al-fawahish qala fa in fa inna nur imanihi yamna'uhu min al-wuqu' fiha. Même s'il est seul avec cette femme, son iman, il prend le dessus et bi'idnillah 'azza wa jalla il s'écarte de ce péché. Comme on a vu des hadiths fi hadha. Qala malgré l'exemple qu'on a cité avec Zina, le fait de se retrouver avec une femme seule, c'est très difficile, même pour celui qui a un iman qawi. Dans ce cas, c'est vraiment ceux qui ont atteint très très haut degré de l'iman. Ou illa va, مثلا, le fait de boire de l'alcool, de voler, c'est plus facile à délaisser ou à la chèque. قال فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها فإن النور الذي يسحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياة من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. تأملوا إلى ست الحياة من الله. Et ça fait partie de l'Iman. والحياة شعبة من شعب الإيمان كما جاء في الحديث. Donc parmi l'Iman الحياة. الحياة c'est la pudeur. Certains péchés tu ne peux pas les faire devant مثلا tes parents. Pourquoi ? Parce que tu as Al-Haya. Eh ben, donne maintenant, certains croyants, ils vont boire de l'alcool ou voler devant leurs parents. Même Oula, faire zina devant leurs parents. Ils peuvent maintenant, s'ils sont isolés, faire ces péchés. C'est quoi qui les empêche ? C'est Had Al-Haya. Lakin, celui qui a Al-Haya min Allah, ça c'est Qal min A'zam Shu'ab Al-Iman. Pourquoi ? Parce que si tu as Al-Haya min Allah, ça va te permettre de t'écarter de la plupart des péchés. Maintenant, Wahad, il est isolé. Et il peut voler une chose, il sait qu'Allah il le voit, il l'entend. Quand il va voler, Allah il le voit, il l'entend. Ça le pousse à s'arrêter. On doit haqqaq hadha al-iman en apprenant à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment avoir hadha al-haya min Allah? Comment? En connaissant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il te voit, tu sais qu'il t'entend, tu sais qu'il sait tout, etc. Ça va te pousser à al-haya. Lakin ahyanan, on connaît cette chose, on a des moments de reflat, d'insouciance. Ça nous montre qu'il faut être régulier dans l'ilm. Il faut être régulier dans l'ivad, en lisant le Coran souvent, tous les jours, en faisant du dhikr tous les jours. Là, chacunna, ça va renforcer hadha l'iman et ton haya, ta pudeur. Min Allah Azza wa Jalla, elle va augmenter. Et, idnillah, tu feras partie de ceux qui profitent de ce fruit et qui sont préservés, min Allah. Qala, ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهب نوره وزوال الحياة ممن يراه حيث نهاه وهذا معروف مشاهد. أما les croyants qui font ces péchés, ça reste des croyants, لكن leur foi, il n'y a aucun doute, elle est faible parce qu'ils ont commis ces péchés. Pourquoi ils ont commis ces péchés? لأن cette foi faible. Et كذلك هذا الحياة من الله, cette pudeur que Allah subhanahu wa ta'ala il les voit, il l'entend, vu que l'ignorance, l'insouciance, les péchés, le cœur est durci, tu trouves ce moumine, il fait ses péchés. Et hada c'est ma'rouf, kama qal mushahada, hada c'est connu. Qala wal iman as-sadiq as-sahih yashabuhu al-haya'u min Allah wal-hubbu lah wal-raja al-qawi li thawabihi wal-khuf min iqabih wal-nur alladhi yunafi al-zulma. Ammalu hadhi al-umur qu'il a cité. Al-iman as-sadiq as-sahih al-qawi, celui qui a une foi correcte, une croyance correcte, une foi élevée. Ahada, sa foi va être accompagnée de al-haya min Allah. Il va avoir cette pudeur. Pourquoi? Parce qu'il a cette aqida, il sait qu'Allah il le voit, il l'entend, etc. Wal-hubbulah, kadhalik, il va aimer Allah. Parce qu'il aura la conviction que c'est Allah qui lui a donné, qui l'a guidé, qui lui a facilité, qui l'a créé. Là, chacun a l'être humain, il l'aime, celui qui lui donne des ni'am. Enfin, ce croyant, il a la conviction que chaque ni'ma vient d'Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ça fait monter al-hub envers Allah. Tu aimeras Allah encore plus. وَالرَّجَلْ قَوِي لِثَوَابِهِ. C'est-à-dire que tu vas espérer. Tu vas espérer la récompense. Tu vas espérer beaucoup de choses min Allah. قَالَ وَالْخَوْف مِنْ عِقَابِهِ. C'est-à-dire que si tu connais Allah et tu as la conviction, l'iman, que Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé un châtiment pour les désobéissants, pour les mécrans, etc. Tout ça va te pousser à le craindre, à avoir peur. قال والنور الذي ينافي الظلمة وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. هذه الأمور c'est pas tout le monde qui les a, Ça fait partie, comme on dit, l'humour, elle était bien, mais nous, comme milliers d'humains, c'est ceux qui ont fait un travail, beaucoup d'efforts, et leur foi l'a augmenté, ils ont atteint ce niveau. Le niveau de Al-Muhsinin, le niveau de Al-Muttaqin, Al-Salihin. Enfin, là, chacun a tous ces efforts, ils auront acquis ces causes, et il n'y a aucun doute, ces choses, elles vont pousser ce moumine à faire énormément de bien. Et que ces choses, elles vont le pousser à délaisser le qabih. Haya'an min Allah, kadhalik il a peur du châtiment, kadhalik il a peur de l'égarement. Et ce moumine, tu trouveras ce moumine annahu, il réfléchit. Il réfléchit, il pense avant d'agir. Pourquoi? Anna hadha al-iman, il contrôle ce moumine bi'idnillahi azza wa jalla. Amma al-ba'd, ils sont guidés par leur shubuhat, ou par leur shahawat plutôt ici. Comme des animaux. Ils voient une chose, ils ne peuvent plus se contrôler, etc. L'imada, l'anna dha'fu al-basira. Ce nour, ils l'ont plus. C'est comme s'ils étaient dans l'obscurité. Fana'oudu billah mina al-dalal wal-inhirab. Ma'ahada, on le répète, le mu'min, il n'est pas à l'abri. Il n'est pas infaillible. Enfin, malgré tous ses efforts, le mu'min, il peut glisser, il peut se tromper, il peut fauter, il peut pécher. Lakin, parmi les fruits, on le répète, qawlullah azza wa jalla, inna alladhina attaqou. Inna alladhina attaqou, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, tadakkaru. Quand ils faiblissent, ils ont un manquement, ils se rappellent, ils se repentent, ils se corrigent, et alhamdulillah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Et on finira bi'idnillahi azza wa jal le prochain cours. On est arrivé au na'am, le dernier fruit et la conclusion. Enfin, on laisse le dernier fruit avec la conclusion pour le prochain cours, inshallah ta'ala. حياكم الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Le prochain cours à la même heure mardi inshallah ta'ala.